J'étudiais un jour, seul, ma leçon, dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis sécher à la plaque les peignes de Mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en trouva un dont tout un côté de dent était brisé. À qui s'en prendre de ce dégât? Personne d'autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge. Je nie d'avoir touché le peigne. Monsieur et Mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent. Je persiste avec opiniâtreté. Mais la conviction était trop forte. Elle l'emporta sur toutes mes protestations, quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à mentir. La chose fut prise au sérieux. Elle méritait de l'être. La méchanceté, le mensonge, l'obstination parurent également dignes de punition. Mais, pour le coup, ce ne fut pas par Mademoiselle Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard. Il vint. Mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit non moins grave. Nous fûmes enveloppés dans la même exécution. Elle fut terrible. Quand, cherchant le remède dans le mal même, on eût voulu, pour jamais amortir mes sens dépravés, on aurait pu mieux s'y prendre. Aussi me laissèrent-ils en repos pour longtemps. On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus affreux, je fus inébranlable. J'aurais souffert la mort et j'étais résolu. Il fallut que la force même cédât au diabolique entêtement d'un enfant, car on n'appela pas autrement ma constance. Enfin, je sortis de cette cruelle épreuve en pièces, mais triomphant. Il y a maintenant près de 50 ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être aujourd'hui puni de rechef pour le même fait. Eh bien, je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je n'avais ni cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque, et que je n'avais même pas songé à cela. Qu'on ne me demande pas comment ce dégât se fit, je l'ignore et ne puis le comprendre. Ce que je sais, très certainement, c'est que j'étais innocent.